Bonjour à tous et à toutes, Very Good Bad Movies, nouvelle émission en ce mercredi avec une invitée dessinatrice, je vais vous la présenter tout à l'heure, mais avec moi ma petite bande. Alors là on est en comité réduit parce que voilà, il y a la grève, il y a la SNCF, il y a RER, il y a des problèmes, etc. etc. Donc on est quatre autour de cette table et avec moi Ismaël. Comment tu vas Ismaël? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ouais. Les activités, les petits tournages, etc. Surtout des coups de soleil grâce à toi principalement. Et pourquoi? Parce qu'on répète sur des courts-métrages, ouais, et des trucs. On a des petits projets en commun. Avec nous aussi un nouveau qui était venu la semaine dernière, qui a eu des problèmes avec le soleil d'ici, le soleil parisien. Et il s'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonsoir à tous. Bonjour. Ah bah bonsoir, toi direct. Ouais, bonsoir, il y a quand même un beau soleil là, je pense qu'on peut dire bonjour encore. Ouais, mais le soleil, il va se différencier. Dis-moi alors, présente-toi un petit peu pour savoir un peu qui tu es, ce que tu fais comme études, quel âge tu as. Ton numéro de carte bleue. Numéro de carte bleue. Vas-y, note, Nicolas. Alors, j'ai 24 ans et je fais des études d'urbanisme à Créteil dans le Val-de-Marne. D'accord. Et alors, pourquoi tu es venu ici? Parce que je suis un passionné de cinéma et je voulais voir aussi à quoi ressemblait une radio. Et, par rapport à tes goûts, est-ce que tu peux nous citer par exemple un film qui pour toi est un des films les plus importants de ta vie, ou un réalisateur, ou un style, ou une époque peut-être? Alors en réalisateur, Christopher Nolan. D'accord. Et comme la semaine dernière, je reste bloqué sur Interstellar. D'accord. Qui est vraiment un chef-d'œuvre. D'accord, merci Nicolas. Et avec nous notre invitée Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Je t'ai invité dans notre émission pour une raison, parce que tu es étudiante et tu es dans une école d'art et dans un secteur bien particulier, le dessin. Est-ce que c'est un secteur encore plus précis, je crois, le nom? C'est même le cinéma d'animation. Le cinéma d'animation même. Je suis en fait dans une école d'art, les arts décoratifs à Paris. Et la première année dans cette école est générale, et ensuite en deuxième année on se spécialise, et moi j'ai choisi de me spécialiser en cinéma d'animation. D'accord. Et petite question assez directe avant que je parle du box-office de cette semaine, est-ce que tu es assez accompli dans tout ce que tu fais durant, parce que je sais que c'est ta cinquième année. Oui. Au bout de 5 ans, est-ce qu'on n'a pas un petit peu marre de dessiner, créer, etc. Ah non, pas du tout. On sature pas. Non, absolument pas. Non. Parce que chaque projet est vraiment différent. Aux arts décoratifs, on a la chance aussi d'avoir des cours de dessin, des cours de sculpture, on a de la gravure. En fait, on a énormément de domaines artistiques qu'on peut aborder. Mmh. Et ça permet de renouveler toujours notre travail, notre manière de réfléchir. Et à Paris, il y a tellement d'expositions en plus que moi, j'ai découvert beaucoup de dessinateurs, d'auteurs aussi en exposition, en galerie. Et encore aujourd'hui, j'étais à la Ferme du Buisson... où il y avait les expositions du Festival Pulp, qui est un festival de bande dessinée et d'art vivant, et qui montrait des dessins de Philippe Druyer, des dessins de David Prudhomme. Et encore aujourd'hui, je prends plaisir à les voir, ça me donne envie de dessiner, ça me donne envie d'aller dehors et de dessiner les gens. Alors, marre, oui, des études, d'être en école, mais pas de faire ce que je fais, pas de dessiner. Et pour quelle raison le dessin et l'animation en particulier ? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, ou peut-être un événement dans ta vie? En fait, j'avais commencé à vouloir faire du dessin assez jeune. Même au lycée, déjà, j'avais fait l'option art plastique dans un bac littéraire. Donc je savais que je voulais m'orienter sur le dessin. Mon père est un passionné de bande dessinée et c'est lui qui m'a donné cette fibre-là. Donc au départ, j'étais plutôt orientée illustration et bande dessinée. Et j'ai eu le concours des arts décoratifs un peu par chance. Et ensuite, je me suis dit que j'avais plutôt envie d'aller dans le secteur cinéma d'animation parce que les gens étaient plus sympas, parce que c'est une technique qui est très compliquée. Donc j'avais envie de l'apprendre en école. Et l'illustration, je savais que je pouvais la travailler de mon côté toute seule. Ce que je fais encore un petit peu, j'essaie de travailler sur des bandes dessinées. Mais l'animation, si j'avais pas été dans ce secteur-là, je pense que ça aurait été compliqué de travailler ça moi-même. D'accord. On va juste continuer cette conversation tout à l'heure. Et avec joie. Oui, bien sûr, ça, c'est très intéressant. Et on va juste parler du box-office de la semaine dernière avec en tête, je vous laisse deviner qui est en tête Cécile a vu la feuille, mais c'est pas très grave. Bah, qui est en tête du box-office, ça c'est assez évident. L'île aux chiens ? Non, pas l'île aux chiens, pas du tout même. C'est Taxi 5, avec 1 524 000 spectateurs en une semaine, ce qui est quand même un très bon score. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu 800 copies dans toute la France de ce film, dans 800 salles, donc c'est quand même assez gigantesque. Comme promo et comme moyen aussi. EuropaCorp, c'est un peu sauver les fesses. Je crois qu'ils ont quand même tous les moyens sur, sur ce film-là. Ensuite, on a Pierre Lapin, encore ce joyeux personnage, avec un total de 873 000 spectateurs. J'ai l'impression d'être passé complètement à côté de quelque chose, c'est fou. Je crois que c'est le côté un petit peu aussi, le mélange entre le côté film vrai, entre guillemets, et l'animation. Le mélange C'est produit par Sony, ça Je n'en ai aucune idée. Sony, ils aiment beaucoup faire ça, des films moitié live, moitié CGI. Ils ont fait ça avec les Schtroumpfs, notamment. Et c'est une recette qui marche, curieusement. Non, et je pense que ça attire aussi les enfants voilà, en ce mois d'avril. Voilà, c'est un film qui attire via le visuel et via aussi le personnage quand même assez célèbre. Après, en troisième position, Ready Player One de Spielberg avec 1 719 000. Et je sais que Cécile, tu allais le voir. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur Ready Player One de Spielberg ? Je suis allée le voir, et même encore mieux, je suis allée le voir en avant-première. Ah oui, ouais, d'accord, attention. Avec Spielberg en direct, interviewé sur grand écran. Ah oui, j'avais vu ça, d'accord, c'est cool. C'était assez classe. Ouais. Et c'était dans quelle salle ? Au Grand Rex. Au Grand Rex, D'accord. Et non, et qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce qu'ici, on était assez mitigés, et autant te dire, même c'était plutôt des avis négatifs. Mm-hmm. Pas trop durs non plus, mais moi... Pas, surtout parmi mes camarades qui ont un peu dégommé l'idée, le concept du film et surtout les références. Mais bon, moi j'étais un petit peu plus... Non, mais en soi il est divertissant. Oui, il est divertissant. Mais est-ce que toi aussi tu as aimé le film ? Parce que quand même beaucoup de personnes qui ont vu ce film sont sorties quand même plutôt avec une banane. Ils étaient quand même très heureux de voir ce film parce qu'il y a beaucoup de références. Est-ce que toi tu as apprécié le scénario ? Est-ce que tu as apprécié la réalisation ? Ben, en fait, j'avais lu le livre avant de voir le film. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne adaptation du livre. Du coup, j'ai apprécié le film dans ce sens-là. Et j'adore Spielberg, donc donc c'est difficile de. Enfin, c'était difficile de pas aimer ce film à cause de ça aussi, quoi. Parce que la mise en scène a beau être très classique, enfin lui, c'est, pour moi, c'est un maître dans son domaine. Donc j'adore, quoi. Toutes les séquences de la course, la séquence de l'attaque des robots géants à la fin, moi, j'ai pris mon pied, quoi. Enfin, c'était vraiment trop, trop cool. Après, j'ai des réserves graphiquement sur certaines choses, mais ça n'en reste pas moins un bon film pour moi. Après, je pense pour que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, qui a pas lu le livre, je pense que ça, c'est très bavard au début, un peu trop bavard. Et l'histoire d'amour passe très vite, mais là, j'arrive pas à savoir si c'est parce que je suis trop vieille pour regarder ce genre de film et que du coup, j'accroche moins au personnage. Mais parce qu'il y a eu quand même beaucoup de côtés négatifs dans ce film qui a été cité il y a quelques temps. C'était surtout le personnage du méchant qui était un peu ringard, déjà en un. Ensuite, c'était le personnage principal qui, voilà, tout le monde n'a pas adoré le personnage principal. Mais dans le bouquin, il me semble que le personnage principal est un peu plus... Plus un personnage d'outsider, il est un peu gros, enfin les gens l'aiment pas trop et tout ça. Et là, quand j'ai vu l'abondance, je me suis dit ils ont quand même réussi à mettre un acteur qui est un peu beau gosse et du coup c'est dommage, quoi. Et puis non, et aussi une critique aussi peut-être par rapport à la mécanique du film aussi qui il y a une perte de réalité comme il disait Ismail la semaine dernière et c'était très intéressant ce propos. C'était par rapport à l'univers virtuel. Et si par exemple on compare avec notre univers à nous et l'univers virtuel qui existe de nos jours, tout ce qui est un peu trash, tout ce qui est un peu glauque n'est pas montré, parce qu'il y a un côté aussi un peu film pour enfants entre guillemets, hein, même si c'est un film pour toute la famille. Oui, et puis l'Oasis n'est pas conçu pour être comme la réalité, donc il est parfait dans un sens. Ok, bah voilà, elle a répondu à ce que tu as dit en une fois. Allez, c'est bon, c'est réglé. Merci beaucoup pour cet avis, Cécile. En quatrième position, Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Avec un cumul de 563 000 spectateurs. Ensuite, en cinquième position, Tout le monde debout, le film de Franck Dubosc qui a dépassé les 2 millions avec 2 228 000. Et ensuite, Gaston Lagaffe, Sherlock Knobs et L'île aux chiens. Alors, L'île aux chiens, je suis désolé, mais c'est 139 000. Et c'est pas joli, joli, c'est pas une catastrophe non plus parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de copies. Mais habituellement le cinéma de Wes Anderson, il attire quand même du monde ou pas ? J'ai pas les chiffres du tout, mais je crois pas trop. Je crois que c'est plutôt côté film d'auteurs, donc ils sont pas dans l'attente d'un succès, ils sont plutôt dans l'attente de prix et de reconnaissance, je pense. C'est vrai. Voilà. On revient à toi, Cécile, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu es en préparation d'un court-métrage en ce moment ? Oui, je fais mon court-métrage pour mon diplôme. Est-ce que tu peux nous en raconter deux mots ou pas du tout? Est-ce que c'est interdit, c'est secret? C'est totalement privé. Non, mais peut-être, je sais pas, peut-être il y a des règles. Extrêmement privé, mais puisque c'est vous, je vais quand même... Ah, là, l'exclusivité. En exclusivité, exactement. J'ai commencé à l'écrire il y a un an, j'avais très envie de travailler sur la figure de l'ogre et les contes de fées. Donc j'ai écrit une histoire où un ogre jardinier habite seul et tombe amoureux d'une toute petite femme, grande comme un pouce. Puisque une des particularités du cinéma d'animation étant de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, là le jeu de taille entre les deux personnages m'intéressait. Et... Donc j'avais ces deux personnages qui tombaient amoureux, l'histoire s'est construite ensuite. Je me disais comment je vais trouver un conflit avec cette histoire-là. Et l'idée c'était que l'ogre soit plutôt un personnage sédentaire. Donc lui habite dans son jardin et elle est une voyageuse et elle tombe dans son jardin. Et lui fait découvrir son jardin, elle lui raconte ses récits de voyage. Et sauf qu'à l'automne, elle veut repartir puisqu'elle voyage avec les oiseaux migrateurs. Et l'ogre ne l'accepte pas, donc il finit par l'avaler pour l'empêcher de partir. Et il faut qu'elle arrive à le convaincre de la laisser partir, en fait. D'accord. Voilà l'histoire, à peu près. Ok. Et autant poser la question directement, comment on fait un court-métrage d'animation? C'est quoi les étapes? Comment ça se passe? Ouais, voilà. Étape par étape, comment... J'imagine, première étape, création de l'histoire. L'histoire, le scénario, oui. Et ensuite, il faut arriver à penser le scénario en images, donc on passe au storyboard. Je pense qu'il y a d'autres étapes avant, on peut faire un séquençage aussi où parce que moi en fait j'avais écrit mon histoire sous la forme d'un conte et ensuite pour l'adapter en film, il faut créer des séquences et c'est aussi un autre travail d'écriture différent. Ensuite le storyboard et en animation on fait un storyboard animé en vidéo. Donc ce qu'on appelle une animatique ou un animatique. Je crois que c'est un animatique mais tout le monde utilise un peu les deux. Et sur cette animatique en fait on met du son, on met les voix. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le travail de montage. Et ensuite, il suffit de faire les images définitives et les sons définitifs, la musique définitive. Et on va remplacer les plans définitifs dans l'animatique au fur et à mesure jusqu'à obtenir le film final. D'accord. Il y a beaucoup ça aussi dans les bonus de films. Voilà, quand il y a un gros travail sur storyboard, que ce soit animation ou autre, hein, même aussi film live, comme on dit. Il y a beaucoup dans les bonus, quand tu trouves les DVD, il y a beaucoup des animatiques aussi où ils te montrent comment ils ont créé les scénarios, la séquence, les plans, etc. Donc c'est pour ça que quand tu me dis ça, ça me revient toutes ces images-là. Ça évoque des choses, ouais. Il y en a. Ça se fait aussi beaucoup pour les films à effets spéciaux en général. Parce que, en fait, l'idée de faire l'animatique et le montage avant de produire les images, c'est pour éviter de faire des images qui vont être coupées ensuite. D'accord. Donc, quand on fait des effets spéciaux, c'est des logiciels qui sont très lourds pour produire des images. Ça prend du temps, donc il faut que tout soit calibré, qu'on sache à la seconde près qu'est-ce qu'on va avoir à l'image. Et si on fait une image de trop, ça peut coûter un million, quoi. Ouais. Sur des grosses productions, oui. Comment c'est ton point de vue quand tu vois des effets spéciaux? Est-ce que comment on peut dire ça? Est-ce que tu es aussi attiré par le travail, tout ce qui est VFX ou tout ce qui est effets spéciaux? Par exemple, dans Ready Player One, l'animation, entre guillemets, parce que même il y a eu cette rumeur comme quoi le film pouvait être en compétition comme un film d'animation, parce qu'il y a tellement d'images. Comment toi tu le perçois? Est-ce que pour toi c'est pas ta catégorie? Est-ce qu'il y a des catégories en fait en animation? Catégorie dessin, catégorie effets spéciaux, entre guillemets, 3D. Stop motion. Ouais, voilà, oui. Stop motion, etc. Il y a plein de choses. Et puis il y a même, après, le cinéma industriel. La série télé en animation et le cinéma d'auteur, enfin c'est pas du tout les mêmes circuits quoi. D'accord. Comme pour effectivement L'île aux chiens, c'est plus des films qui vont avoir des prix en festival et c'est pareil pour du court-métrage. En animation, il y a une petite industrie du court-métrage d'animation d'auteur mais qui ne passe qu'en festival et ça passera jamais dans les salles. Mais par rapport à ces catégories, est-ce qu'il faut se spécialiser ou est-ce que tu peux toucher à tout entre guillemets? Tu peux toucher à tout, mais par contre, tout ce qui est VFX, effets spéciaux, c'est hyper pointu. Donc là, il faut faire une école formation, d'animation. C'est très précis, quoi. Moi, j'avais le frère d'une amie qui a fait une école comme ça et qui est parti à Vancouver et il anime les poils sur le dinosaure de tel film. Enfin, des trucs extrêmement précis. Il bosse dans des énormes équipes. Et ça, c'est aussi du cinéma d'animation. Mais moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. D'accord. Et on a aussi un cliché un petit peu en tant que non-expert de la catégorie, entre guillemets, mais c'est toujours le temps d'attente. On a l'impression que c'est très long, c'est très long de faire un film d'animation. Est-ce que cette attente et ce temps qui est demandé, est-ce que toi ça te frustre ou alors au contraire t'arrives à, à être patiente, à travailler sur ça, à travailler sur... Et est-ce que ça permet d'être plus minutieux sur énormément de détails, là où justement un film classique, bah, ça le permet moins? Pour ça, je sais pas trop. Pour ce qui est question de la patience, je pense que c'est un caractère. Il y a des gens qui auront le caractère de faire du cinéma d'animation et d'autres non. Mais pour moi, en fait, la récompense, c'est quand de voir le mouvement à la fin, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu peux passer des heures sur quelque chose, sur un dessin, sur un mouvement, et en fait, la récompense, c'est vraiment à la fin. C'est magique, en fait, de pouvoir donner vie à un dessin. C'est un truc fabuleux, quoi. Et tu peux y passer 3 jours, t'auras le même plaisir à la fin quand tu verras le résultat final. D'accord. Et est-ce que tu as des coups de cœur en ce moment ou récemment, les dernières années, par rapport à des films d'animation ou autres qui t'ont marqué ou t'as envie de dire ah, tiens, j'aimerais bien participer à ça Est-ce que tu restes au courant justement du monde cinématographique, etc., de l'animation actuelle, des sorties, etc.? C'est important de rester sur le qui-vive. Oui. Après, je suis peut-être pas la personne la plus au courant. Mais là, par exemple, c'est quoi le dernier film qui, par exemple, t'a décroché la rétine, par exemple? En animation, les derniers, il y avait La jeune fille sans main de Sébastien Lodenbach, qui est aussi prof aux arts décoratifs d'ailleurs. D'accord. Parce que c'est un long métrage qu'il a fait presque tout seul avec une toute petite équipe. Et graphiquement, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça m'a fait plaisir de voir que ce film avait eu un petit succès quand même. D'accord. Ça, c'était chouette. Ok. Mais le visionnage. Il y a Lilo Chien que j'aimerais beaucoup voir. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais le visionnage d'un film d'animation, pour toi, est-ce que tu le regardes comme un film, simple, je veux dire. Est-ce que tu as un point de vue critique par rapport à la technique tout de suite qui vient? Oui, bah oui. C'est obligatoire. Oui, mais même pour le cinéma d'ailleurs. Parce que pour ce qui est du montage, comment c'est raconté, quand t'es dans le milieu, c'est impossible de regarder un film en étant simplement spectateur. Ton regard cherche automatiquement à savoir comment l'animation a été produite et comment ça a été réfléchi. D'accord. Des formations professionnelles. Exactement. Très cool. Pas toujours. Ouais. J'aimerais bien pouvoir m'en détacher des fois. Et alors, tu nous disais que tu travaillais là pour l'instant toute seule, mais... C'est un peu obligatoire, j'imagine, le travail en équipe, à part pour ton prof qui a fait ce film tout seul. Mais il a aussi travaillé en équipe, une petite équipe. Et alors, comment ça se passe aussi, le travail en équipe? Est-ce que tu peux obtenir un poste assez haut tout de suite parce que tu as une idée et que tu veux la produire ou est-ce qu'il faut rentrer, faut être les petites mains et après au fur et à mesure tu montes dans l'échelle? Là c'est très différent entre le monde étudiant et le monde professionnel. Moi je suis en 5e année encore étudiante, donc je suis réalisatrice sur mon film et les gens qui m'aident c'est des bénévoles. Donc les acteurs pour les voix c'est des bénévoles, le compositeur pour la musique c'est un bénévole aussi. Enfin j'ai pas les moyens de les rétribuer, donc ça se fait dans le cadre court-métrage étudiant. Donc là effectivement j'ai un haut poste en réalisation, mais je cumule plein de postes, je suis à la fois aussi autant ma productrice que mon assistante réalisatrice. Et après dans le monde professionnel, tu peux être réalisateur en sortant, il y a des écoles qui forment à la réalisation, la Poudrière à Valence par exemple. Mais... Après, je ne sais pas si c'est possible de monter les échelons. En général, tu te spécialises dans un poste. Tu peux être dessinateur de décor, tu peux être simplement animateur. Mais une fois que tu as une spécialité, c'est assez compliqué de changer de domaine. Et petite question je ne suis pas encore professionnelle, donc je ne sais pas exactement. Tu n'as pas eu l'occasion de faire un stage dans des grosses productions justement ou des trucs plus. Là, c'était une petite production, c'était une série télé en stop motion qui s'appelle Les Kiwis. Ça me dit un truc. Ça me dit quelque chose. C'est deux espèces d'oiseaux, un orange et un jaune, et c'est pour apprendre l'anglais aux enfants. D'accord. Et alors, ils ne prennent pas de stagiaires en animation, mais ils prennent des stagiaires en déco. Parce qu'ils ont toujours besoin de petites mains pour fabriquer des décors, des objets, des choses comme ça. Donc, et c'était à Toulouse, à la ménagerie. D'accord, ok. D'accord. Et par rapport à l'animation, est-ce que par exemple le cinéma américain te touche plus ou le cinéma japonais ou comment ça se passe? Est-ce que Ghibli, tu dis ah ouais, non, ça j'aimerais bien faire un film comme ça? Ou alors non, tiens, Pixar, tiens, c'est sympa, la 3D a évolué avec comment elle s'appelle déjà la rouquine, la petite fille rouquine, je m'en rappelle plus. Parce qu'il y a eu un événement par rapport à ce film, par rapport aux cheveux, on disait oui, par rapport à l'animation, il y a eu. Rebelle, merci. Ouais. Bah oui, parce que alors pour moi c'était assez banal, oui, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même. Il y a des évolutions et que souvent, c'est vrai que souvent, le film d'animation, quand il sort, on montre un scénario, on montre une histoire, mais on montre aussi une évolution en fait, du cinéma d'animation. Mais c'est vrai qu'il y a un essor dernièrement de l'animation, notamment française, avec des studios dont le nom m'échappe, mais voilà, il y a des studios qui sont boostés par des auteurs français de BD notamment, je pense à Balak, Bassavivès, etc., et un autre dont le nom m'échappe, mais qui du coup sont spécialisés dans des séries d'animation plus matures en fait, pour un public un peu plus adulte. Et je crois savoir que en fait ils ont un sous-studio qui produisent des mini-séries sur la plateforme Black Pills de EuropaCorp. Et là il y a une série qui, alors je sais plus c'est quoi le nom, j'ai pas fait mes devoirs, mais qui s'appelle Bugs ou quelque chose comme ça. Et ils ont plusieurs séries qui sont en production et qui arrivent. Voilà. C'est l'histoire des insectes avec policiers, je crois. Ouais, c'est ça. Policiers avec des insectes. Ouais, j'avais vu aussi ça. Voilà. Du coup, tu peux répondre à sa question. Non, mais c'était par rapport. Est-ce que c'est le cinéma japonais qui t'intéresse ou le cinéma américain ou français? Après, moi, j'aime bien ou... de tout. De tout. Franchement, oui. J'aime beaucoup Pixar. J'aime beaucoup aussi le. Il y a beaucoup de choses qui se font en France aussi. Mais dans ton enfance, c'est quoi le dessin animé qui t'a marqué? J'imagine qu'il y en a un quand même qui t'a marqué. Le Roi et l'Oiseau. Ah. Oh, c'est mignon. Réaction. Ben oui, mais non, oui. Moi, il m'a traumatisé quand j'étais petit. Traumatisé. C'est vrai que moi, il m'a vraiment marqué à l'époque. En fait, j'ai mis longtemps avant de me rappeler que je l'ai vu et quand j'ai dit, mais comment c'est possible de l'avoir oublié? Incroyable. Il faudrait le revoir, ouais, parce que franchement, techniquement, je crois qu'il est, il est très joli. Et très pour tout, pour l'histoire, pour la musique, ouais. C'est incroyable ce film. Ouais. Donc, on disait touche à tout, etc. Et d'ailleurs, récemment, un autre long métrage qui m'avait plu, c'était Tout en haut du monde. Mais voilà. Tout en haut du monde. Bah, je note ça et j'ai envie de voir. C'est un film ça. Pour enfants, mais moi j'ai adoré. Est-ce qu'on peut vivre de ça? C'est vraiment la question que je voulais poser. Ah oui, poser. Bah oui. Non, mais c'est franchement, est-ce qu'on peut. Non, mais. Pardon. Non, mais parce que souvent, on a l'impression que c'est un peu galère un petit peu pour les dessinateurs. En animation, au début, je veux dire, bien sûr. Après, non, en ce moment, il y a beaucoup de. On dit qu'il y a beaucoup de boulot en cinéma d'animation. Ah, c'est l'inverse. Ouais. Bah, il y a de plus en plus de productions d'images avec le numérique. Il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de films. Donc, il y a même des réalisateurs qui trouvent pas d'animateurs. Donc, ah oui, à ce point-là. Ah ouais, il y a quoi de trouver du boulot. Ouais. Et combien ça coûte un film en moyenne, un film d'animation? Ça dépend, j'imagine, si c'est 3D ça dépend ou. Énormément. Ouais. Ouais, mais c'est quoi qui coûte le plus cher? Stop motion ou 3D ou. Je dirais plutôt de la stop motion, du volume, marionnette. Ouais. Encore que tu peux trouver une prod où tu peux arriver à épargner des sous à droite à gauche. Mais je pense que fabriquer des choses, c'est peut-être un petit peu plus coûteux que de faire de la 3D. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, Ismaïl, Nicolas, par rapport au monde de l'animation? Parce que Nicolas, nous l'avons absolument pas entendu. On verra plus tard, là, c'est... Elle répond à chaque fois à tout. C'est quoi le dernier film d'animation que t'as vu? Oula. Ou qui t'a marqué? Très très bonne question. Mais est-ce que vous allez voir du cinéma d'animation? C'est vrai, il faut supporter les films d'animation. Moi j'ai vu Zootopie il y a longtemps quand même, celui qui m'a marqué, parce que j'ai trouvé ça tellement fun. Ouais, c'est ça que j'aime aussi dans l'animation, c'est quand t'es détendu un peu. C'est léger, quand c'est léger c'est bien aussi. Parce que soit c'est trop enfantin, par exemple les nouveaux héros par exemple de Disney, je trouvais ça un peu enfantin, un petit peu... Adapté d'un Marvel d'ailleurs. Un petit peu con-con, sans les manquer de respect. Et j'ai vu Zootopie, c'est intelligent, il y a des références pour les adultes, il y a des moments, des choses un petit peu. Les doubles lectures, sont très intéressantes. Il y a une double lecture super intéressante. Et puis bien sûr, Ghibli aussi, voilà. Bon, là en ce moment, il n'y a pas énormément de production de Ghibli, mais quand même, c'est toujours une. D'ailleurs, c'est la fin du studio. Oui, c'est la fin du studio en plus. Mais. Ils n'ont pas annoncé un nouveau film d'ailleurs si. Non, mais parce qu'après, je crois que tu as des studios. Tu as les animateurs de Ghibli qui ont fondé un studio à eux. Oui, c'est ça, mais je crois qu'ils ont rejoint le studio Ghibli qui va refaire un nouveau film. Ah, je sais pas. Je crois qu'il y avait un délire comme ça. C'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Ce qui se passe là-bas. Ouais. Et puis, non, mais toi, alors, Ismaïl, c'est quoi alors le dernier film? Le dernier film d'animation que j'ai vu. Et que tu as aimé aussi. Bon, pas que j'ai aimé, c'était Le Monde de Dory, je crois, et qui m'avait pas mal déçu, pour être honnête. Enfin, en soi, sur le plan technique, bon, voilà, il y avait rien à dire, mais c'était vraiment sur le plan histoire qui était. Un peu quelconque. Je trouve que ça aurait été plus adaptable par exemple Toy Story a fait ça, notamment après le 3, ils ont fait pas mal de TV spécial, des petits cours des téléfilms. Voilà, et je pense que Le Monde de Dory, ça aurait été, vu ce que ça racontait, ça aurait largement pu être en court-métrage. Mais sinon, après, moi, les dernières choses en animation que j'ai vues, en tout cas françaises, c'était la série Last Man de Bassavivès et Balak, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui envoie du pâté et qui avait été produite par France 3, il me semble, et d'autres studios, mais il y a eu aussi une campagne Ulule, etc. Donc, bref, je vous la conseille en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que le cinéma d'animation. français. Il est toujours très intéressant parce qu'il est très, c'est très large. Par exemple, moi, je pense à un film qui va bientôt sortir qui s'appelle Mutafukaz. Ah oui, Mutafukaz, oui. J'ai dit c'est génial. Je vais aller le voir parce que c'est, il y a un côté, je sais pas, c'est mystérieux et en même temps un peu jamais vu. Ça me fait penser aussi à, Ankama qui produisent énormément d'animations avec leur série Wakfu, dont la troisième ou quatrième saison, je sais plus, est disponible sur Netflix. Donc ça c'est cool. Il y a une petite polémique sur Wakfu parce qu'ils avaient sorti un film. Dofus. Ils avaient sorti Dofus. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ils avaient sorti Dofus le film. C'est la même chose ou pas du tout? C'est Ankama aussi, ouais. C'est dans le même univers, mais ça se passe pas aux mêmes époques. Et en fait, ils avaient sorti le film Dofus qui est de très bonne facture, notamment. Et ils ont fait une très mauvaise promo. Très mauvaise promo, très tardive. Et d'ailleurs, je crois que ça s'appelait Dofus Livre 1, je crois. Donc ils avaient prévu de faire plusieurs films. Je pense qu'ils vont quand même essayer de le faire, mais ça va prendre un peu plus de temps, très clairement. Ouais, puis il y a Wakfu aussi qui domine le truc. Wakfu aussi, ouais, très populaire maintenant. Ouais. Je crois qu'ils vont faire encore une autre saison. Ouais, ouais. Et oui, Mutafukaz, effectivement, t'as raison. Ce qui est intéressant avec le cinéma d'animation français, c'est qu'il prend de l'inspiration un peu partout, autant dans des courants américains que d'animation japonaise, etc. Ouais. Donc, c'est un melting pot très intéressant et il y a beaucoup de talent en France. Et puis en plus, ils essayent de trouver des techniques à chaque fois différentes. Il y avait aussi le Astérix de Alexandre Astier, qui est en 3D du coup, en image de synthèse. Ce qui était intéressant aussi, c'était que comme c'était produit par des Français, par conséquent, le doublage était calé. Enfin, l'animation était calée sur le doublage et pas l'inverse, contrairement d'habitude. Il y avait aussi, Lascar le film. Bref, il y a eu pas mal de choses quand même en cinéma d'animation française. Après, il y a aussi, je suis en train de refaire l'historique de l'animation française. Mais il y a la grande histoire des films d'animation Astérix aussi. Ça fait très très très longtemps qu'on a des films d'animation avec Astérix. Donc, Et est-ce que Cécile, tu es touchée par le jeu vidéo? Est-ce que ça t'intéresse cet univers-là aussi? Après, je sais pas si t'es très intéressée par la 3D en particulier ou pas. Non, pas trop. Est-ce que c'est la même catégorie? Ça m'intéresse ou pas? Est-ce qu'on peut faire une école d'animation, de cinéma d'animation, et après enchaîner avec le jeu vidéo ou enchaîner avec d'autres? Il y en a qui font ça. Ouais. J'ai beaucoup de camarades qui sont intéressés par le jeu vidéo ou des gens qui ont fait des DMA en cinéma d'animation et qui travaillent dans le jeu vidéo aussi. Mais moi, c'est pas du tout ma culture, c'est pas du tout mon domaine. Ouais. Mais c'est quoi alors ton domaine à toi? Ta culture, c'est quoi qui t'inspire? Ça peut être des films live, ça peut être des livres, ça peut être le cinéma, la littérature, et la peinture. Mais quel univers aussi? Est-ce qu'il y a un univers? Je sais pas, ça peut être les samouraïs, ça peut être les films avec les animaux, ça peut être, tu vois ce que je veux dire, la nature. Plutôt science-fiction. Science-fiction, ouais. Ça, c'est vraiment les trucs qui me bottent. Par exemple, Blade Runner, ça te botte, quoi. C'est des films qui te. Ouais. Interstellar, Inception. Interstellar, je trouve ça nul, mais. Ça attaque. Non, mais. Comment on peut dire ça? Est-ce que tu trouves que... Parce que ça peut être un petit défaut du cinéma d'animation. C'est des scénarios un petit peu classiques. À part en France. Mais par exemple, les Américains, c'est vrai que le scénario, à part, toujours des exceptions, c'est souvent classique quand même. On n'est pas dans de la folie quand même dans l'animation. Est-ce que tu as ce point de vue-là aussi? Ça dépend. En long métrage, je veux dire. Ah oui. Je peux te donner deux contre-exemples. Enfin, Pixar, par exemple, au début, c'était pas du tout dans la lignée classique. Enfin, les personnages, au début, ils étaient complètement fous. C'était vraiment le the fish out of the water, quoi. Personnage placé complètement en dehors de son contexte. Ouais. Enfin, ils ont fait. Sauf qu'après, avec les années, c'est devenu un petit peu trop. Après, ils ont fait des suites. Et c'est très souvent la même thématique, le même scénario, etc. Mais j'ai une question pour tout le monde. Le cinéma d'animation en général fonctionne très très bien au cinéma. Pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que les enfants vont voir le film, donc les parents aussi, donc ça accumule, donc on multiplie par 4 le nombre de places? Ou il y a une autre raison? Est-ce que c'est le côté enfantin en nous qui revient? Est-ce que c'est parce qu'on a envie de quelque chose de léger? Cécile, par exemple, pourquoi on va voir du cinéma d'animation? Comme on va au cinéma pour voir du cinéma, pour rêver, quoi. Ouais, et je pense que ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est vraiment très juste, c'est qu'on peut faire des choses en film d'animation qu'on ne peut pas concrètement faire en live, ni même avec des CGI, et du coup, c'est notamment, ça permet d'avoir des choses cohérentes visuellement, de A à Z, dans les films d'animation. Je pense notamment au Ghibli, quand il y a de la magie, etc., etc. Tu refais une adaptation en live, peu importe le réalisateur, l'équipe technique, etc., il y a forcément des choses qui sont pas homogènes. Et je pense que le film d'animation, notamment, si les gens vont voir ça, c'est pour avoir des propositions artistiques, visuelles, épatantes et intéressantes. Et Nicolas, tu penses quoi de ça, alors, du cinéma d'animation? Alors moi, je pense pourquoi que ça attire plus adapté en fait pour les enfants. Je vais prendre un exemple par rapport à Indestructible 2 qui va sortir. Moi, j'avais vu le 1 il y a super longtemps, je ne sais pas en quelle année il est sorti. Mais j'ai... Année 2000, hein, quelque chose ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Et 2005, quelque chose comme j'ai ça. J'ai pas du tout envie de voir le 2 parce que je vais me dire que ça va être adapté en fait, pour les enfants et que bah, j'ai grandi et que ça va pas. Je vais pas kiffer. Quoi. Mais en même temps, les Pixar, ça a souvent justement ce qu'avait Zootopie, c'est-à-dire des scénarios à double lecture avec des. Par exemple, les Toy Story, ça a ça notamment, mais je suis en train de m'enfoncer, je sais pas juste ce que je suis en train de raconter. Non, je pense qu'il y a un cinéma d'animation pour adultes ouais. aussi. Ah bah oui. Mutafukaz par exemple, exactement. Akira bah, aussi. Même les séries. Pas pour les enfants, mais le problème aussi, les d'animation japonaise, hein, il y a quand même beaucoup de choses pour adultes aussi. Mais voilà, pour les japonais, probablement que le Japon est plus avancé que la France. Le problème, notamment avec le public français ou américain, je sais pas, mais c'est que les gens ont trop tendance à assimiler le film d'animation CGI ou aux enfants. Classique, aux enfants. Ouais, c'est vrai. Ça. Instantanément. C'est vrai. Comme le manga, comme la BD. Exactement. Moment. Alors que, non, clairement pas, il y a des sous-catégories intérieures. Et voilà. Ça me fait penser au studio Madhouse, je crois que si je me trompe oui, pas. Oui, voilà, c'est un des meilleurs studios pour les séries d'animation japonaise. Ils font One Punch Man, je crois, non? Ouais, mais voilà, à l'inverse, par contre, tout ce qui touche au manga, de ça, là, ça, j'adore par contre. Ouais. Mais après, quand c'est Disney ou Pixar. Je sais pas, j'accroche. Il a donné. Ouais. Il peut plus. Qu'est-ce que tu penses, Cécile, des adaptations en live de films d'animation? Je prends Le Livre de la Jungle, je prends La Belle et la Bête. Oui, Disney est-ce que qui tu penses que c'est juste du recyclage ou est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est un manque de respect pour le film d'animation? Parce que si c'est un film d'animation. Après, La Belle et la Bête, c'est une histoire. Enfin, c'est surtout un conte, quand tu oui, mais souvent, ils disent bien quand même c'est une adaptation du film et pas de. Bah, c'est ça qui est. Ce qui est marrant, c'est que c'est une adaptation du film d'animation qui lui-même est une adaptation d'un bouquin. Donc, ça n'a ni queue ni tête. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu en penses de ça, par exemple? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est quand même des thématiques qui nous touchent. Et si on a un bon réalisateur derrière et un parti pris, autant graphique que dans l'histoire, je veux dire, ça peut très bien marcher, ça peut être un super moment, ça ne me dérange pas. Après, effectivement, on a le sentiment que les producteurs s'appuient aussi là, sur ce genre de succès pour faire de l'argent. Mmh. C'est clair. Mais il n'y a pas un côté aussi, alors. Je veux pas faire une polémique, mais comme les effets spéciaux évoluent de plus en plus et qu'il y a un travail de plus en plus magnifique dans toute cette catégorie, est-ce que c'est pas pour montrer aussi que les effets spéciaux seraient supérieurs entre guillemets aux films d'animation? Quand je dis supérieurs, par rapport à pour l'imagination du spectateur, il y a ce risque là aussi. Il y a cette idée où à un moment donné, peut-être le film d'animation va évoluer. Mmh. En fait, il va se transformer avec le film live et qu'au final, on aura des films hybrides entre guillemets. Moi, j'ai ce feeling là avec notamment le. Comment s'appelle déjà le dernier Pixar où c'était un dinosaure? Voyage d'Arlo. Le Voyage d'Arlo. Ce film là, moi, personnellement, il m'a vraiment laissé de marbre. Mais je pense parce que vraiment, je crois que j'en avais parlé l'année dernière en plus. C'est que ça faisait vraiment film démo. C'est-à-dire pour montrer au public et aux gens, voilà ce qu'on peut faire maintenant avec notre technologie. Et parce qu'il y avait vraiment des longs passages où on voyait juste des décors en images de synthèse, mais qui avaient vraiment un rendu extrêmement photoréaliste. Et en soi, l'histoire était. Ça n'avait aucun intérêt. Donc je pense effectivement qu'on est dans une période comme ça, notamment avec justement la future adaptation du Roi Lion, qui va un peu plus loin que Le Livre de la Jungle, où justement c'est mélangé un acteur live avec énormément d'animaux en images de synthèse. Et là, ça va être surtout des animaux en images de synthèse. Ok. Une autre question peut-être, Nicolas, Ismaïl. Est-ce que ça va? Cécile, juste une dernière question par rapport à tout ça. Qu'est-ce que t'apporte émotionnellement ou même dans ton quotidien le fait de dessiner, le fait de créer, mais spécialement dans l'animation? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Un apaisement, un moyen d'expression? Qu'est-ce que... Bah, le cinéma d'animation, pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est pas ce que j'avais envie de faire à la base. Donc c'est plus un amusement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire le film du siècle en cinéma d'animation. Donc quand je le fais, j'essaie de me faire plaisir. Le conte de fées, l'histoire de l'ogre, j'aimerais bien faire une histoire de science-fiction aussi. Donc des choses qui me plaisent. Les choses qui me sont plus personnelles, c'est vraiment plus le dessin et la bande dessinée. Et là, c'est un rapport différent parce que j'y mets plus de moi, c'est plus douloureux, on va dire, pour faire des choses que le cinéma d'animation. D'accord. Donc toi, en fait, au final, ton premier objectif, c'était plutôt la bande dessinée. Ouais. D'accord. Est-ce que le manga ou la bande dessinée? Non, la bande dessinée. C'est pareil. Ouais, non, ok, pour toi, c'est, tu fais pas de différence. Bah, le manga est une bande dessinée pour moi. Oui, non, mais je veux dire, dans le style et dans la règle, voilà. Dans... Bah, stylistiquement, je serais plus attiré par de la bande dessinée que du manga. Enfin, je dessine pas manga. Ok. Petite question et après on enchaîne avec les news cinéma. Mais qu'est-ce que vous pensez tous les trois des adaptations des bandes dessinées? Je prends Spirou et Fantasio, je prends Gaston Lagaffe, je prends les profs. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça bon? Alors moi je pense que là, si on vit une époque où il y a vachement plus d'adaptations de bandes dessinées franco-belges en France, c'est que c'est certainement des distributeurs qui se remarquent. Bien évidemment que aux États-Unis il y a énormément d'adaptations de leurs comics, leurs BD locales, que là on est en train de les studios américains sont en train de tâtonner l'adaptation de BD et de manga japonaise avec Ghost in the Shell, etc. Pour l'instant, ça prend pas, mais ils essaient au fur et à mesure. Akira aussi, je crois que fait 5 ans qu'ils veulent le faire, mais ça passe. Mais là, va bientôt avoir l'adaptation de Gun, qui va s'appeler Battle Star Angelica, qui est réalisé par qui déjà? Je sais plus. Je crois qu'il y a James Cameron. Il y a James Cameron dans le potager. Et cette expression. Mais du coup, je pense qu'en fait, les distributeurs français, en voyant tout ça, se disent, nous aussi, on a du matériel, pourquoi pas, puisque après tout, Tintin a été adapté par Steven Spielberg, quand même, c'est pas rien. Et bah, ils tentent, mais ce qu'ils réussissent, je suis pas sûr. Bah, si, il y a quand même Persepolis et Le Chat du Rabbin qui ont été des très bons films, c'est vrai. Mais c'est les auteurs eux-mêmes qui étaient réalisateurs. Exactement. Mais c'est du cinéma d'animation aussi. Donc on a le côté dessin, alors que exactement. Il y a des choses qui sont pas vraiment adaptables en live. C'est peut-être l'erreur justement des distributeurs français de vouloir adapter en live avec des têtes connues, là où ils pourraient justement expérimenter avec de l'animation, tout simplement. Oui, et moi je conseille aussi aux auditeurs Marjane Satrapi, si je me trompe pas. Satrapi. Que j'ai pu. Moi j'ai découvert d'abord dans tout ce qui est cinéma live entre guillemets avec The Voices, avec Ryan Reynolds, et après j'ai enchaîné avec Poulet aux prunes. Et là j'aimerais bien aussi voir Persepolis, mais je vous conseille Poulet aux prunes parce qu'il y a ce mélange là un peu du style bande dessinée avec le live et aussi un peu une petite séquence de 5 minutes d'animation. Mais non, vraiment j'aime beaucoup cette femme et c'est vrai. Est-ce que tu penses que c'est important que l'auteur de la bande dessinée ou de l'œuvre originale mette sa patte ou au moins même réalise l'adaptation cinématographique? Parce que ça se fait de plus en plus. Ouais, mais... ça dépend. Je pense qu'il y a certains dessinateurs qui sont incapables qui connaissent pas le langage cinématographique plus. Ça peut arriver. Je trouve ça plus important qu'il participe quand même au processus de réalisation parce qu'il peut discuter avec le réalisateur de ses intentions et le réalisateur ensuite peut essayer de transposer les intentions originelles du dessinateur dans un film. Mais c'est pas forcément nécessaire. D'accord. Merci beaucoup Cécile. Merci infiniment. Oui, merci pour toutes ces informations parce que je pense que pour beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui sont passionnés de cinéma d'animation, même de cinéma en général, il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas et tu nous as donné quand même beaucoup d'informations par rapport à cet univers si complexe aussi et si difficile aussi. Bah, quand je dis difficile, parce que comme je te dis, il y a cette impression d'énorme travail. On a l'impression que faire un film d'animation, c'est trois fois plus de travail qu'un film. C'est juste que c'est pour des vrais passionnés, quoi. Oui, et puis on connaît moins le monde professionnel du cinéma d'animation que du cinéma live. Ouais, c'est vrai aussi, évidemment. C'est vrai. On passe aux news cinéma de la semaine. Ta-da. Et je voudrais avoir vos avis. Première news, Nathalie Portman et Javier Bardem vont être dans un film par rapport à un univers onirique qui se passe au 18e siècle. Est-ce que ça vous intéresse ou pas, Portman et Bardem dans un film? Bardem quand même qui va bientôt arriver dans Escobar, je crois. Est-ce qu'il est au cinéma là? Il est sorti là ou pas? Non, je crois pas. Non, pas bientôt, je crois la semaine prochaine. Mais Bardem, il est en train de se démultiplier en ce moment. Ouais, c'est oui, bah avec Pirates des Caraïbes, Mother. Il va à Cannes. Il était à Mother aussi. Et aussi, oui. Il va à Cannes avec Everybody Knows, le dernier Faraday. Il est aussi dans Escobar. Donc vraiment, c'est un acteur qui devient de plus en plus important dans le cinéma. Mais c'est cool parce qu'il est très talentueux. Donc c'est... Oui. Aussi, news par rapport à ça, numéro 2, donc chapitre 2. Il y a une rumeur, donc c'est pas oui, c'est pas non, mais James McAvoy va peut-être jouer un des enfants, puisque le premier épisode c'est les enfants et le deuxième épisode c'est les enfants qui ont grandi. Je crois que ça se passe 20 ans plus tard. Et James McAvoy va peut-être, donc c'est pas encore signé, mais peut-être jouer dans le 2. Alors, ce qui est déjà confirmé, c'est que Jessica Chastain va en faire partie. Ah. Et je la follow sur Instagram, puisque c'est une belle femme et une très belle actrice. Et j'ai vu un de ses posts où, en fait, justement, elle mettait sur la même image, en fait, le personnage qu'elle avait incarné quand elle était plus jeune avec un personnage, un garçon derrière elle, et avec une autre image d'elle. Bon, bref, en gros, pour faire simple, elle a évoqué justement la possibilité que James McAvoy puisse rejoindre le casting, donc c'est, à mon avis, c'est sûr de bonne oreille. Donc apparemment, il y aura un très bon casting, mais c'est logique vu le succès du premier film. Quelqu'un l'a vu ça autour de cette table? Non. Non. D'accord, merci. C'est pas mon test de quai. De thé. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'arrive plus à parler. C'est une news que tu m'as, voilà, tu m'as expliqué ça hier, Ismaël. Oui. Avengers, par rapport au dernier Avengers, donc Infinity War, qui a réussi à battre le total de prévente des 7 derniers Marvel réunis. Combiné, ouais, c'est ça. Sachant que ça, Black Panther dernièrement avait réussi à battre ce record. Donc Avengers, c'est effectivement un gros rouleau compresseur. C'est assez énorme. Aussi, news par rapport au festival de Cannes, il y avait eu l'interdiction des films Netflix dans la compétition officielle. Donc ils avaient proposé, tiens, venez, mais en hors compétition, ou moins pour montrer vos films, ou dans d'autres catégories. Et en fait, Netflix, bon, ils ont été vexés. Ils ont fait, on s'en va, mais totalement. Donc il y a zéro film Netflix cette année. Est-ce que vous trouvez ça juste? Est-ce que vous trouvez ça un peu bête, que ça soit du côté de Netflix ou côté de Cannes? Je trouve ça très très bête du côté du festival de Cannes. Ouais, c'est dommage. Extrêmement parce dommage. Ils avaient sorti quand même l'année dernière des films très intéressants comme Okja, que je n'ai pas vu, mais que franchement, juste trois images, ça te donne envie d'aller le voir. Et aussi un deuxième film, dont je ne me rappelle plus le titre. Mais quand même, Netflix quand même propose quand même des choses intéressantes. C'est quand même dommage. C'est surtout que voilà, leur refuser la porte comme ça, aussi violemment, c'est vraiment refuser la possibilité que le cinéma puisse venir d'ailleurs, quoi. Et vous savez que par rapport à la règle des selfies, parce qu'il y a une interdiction des selfies sur le tapis rouge, ils vont vraiment le faire. Mais moi, ça me fait rire. Mais comment tu peux interdire les selfies? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais c'est important. Moi, je pensais que ça commence pour voir comment ils vont faire. Ça va être juste un peu ridicule. Mais bon, après, pourquoi pas? On verra bien. Harley Quinn. Se jeter sur le téléphone portable. Peut-être. Harley Quinn, le film, une réalisatrice pour le spin-off donc, de ce film. Oui, j'ai essayé. Ouais. Alors, je sais pas si c'est. Je crois que c'est le film avec Joker. Hein, je crois non, c'est pas celui-ci. C'est encore un autre film. Ouais. Il y a combien de spin-off chez DC? Alors, parce que j'avais expliqué ça tout à l'heure, Nicolas. Alors, pour faire simple, après Suicide Squad, ils ont lancé, je crois, 4 projets de spin-off. Ah, la suite officielle, Suicide Squad 2. Joker versus Harley Quinn, sachant qu'il y a aussi un autre film Joker mais qui n'a rien à voir. Que je me souvienne, Gotham City Sirens, qui devait être réalisé par le réalisateur du premier Suicide Squad et qui devait être avec Harley Quinn, Catwoman et Poison Ivy, des méchants, des ennemis de Batman. Et celui qui finalement a été choisi, Birds of Prey, qui est une espèce de petite équipe de super-héroïnes et Harley Quinn. Voilà, pour faire simple. D'accord. Mais est-ce que tu penses que ça va être de la merde? Non, mais ils sont un peu dans la mouille. J'ai l'impression que le gros problème de DC, c'est qu'ils sont incapables de gérer ils tentent de faire la formule Marvel, mais ils sont incapables de gérer internement à l'intérieur des projets. Ils se contentent de balancer énormément. En fait, là où Marvel fait énormément de choses en interne, en proposant différents projets, en invitant des scénaristes à proposer des idées, etc., et en essayant de développer le projet jusqu'à à un moment donné l'annoncer, DC, eux, ils font autre chose. C'est-à-dire qu'ils font en gros des tests publics, c'est-à-dire qu'ils annoncent au public voilà, on voudrait faire ça, et ils essaient de voir si les gens sont chauds ou pas, ce qui du coup est débile, puisque du coup on s'attend à des ils ont annoncé un film Deathstroke, je vous le dis tout de suite, personne ne le verra jamais ce film. Ils ont annoncé le film Black Adam avant le film Shazam, sachant que Black Adam est le méchant, ça n'a ni queue ni tête cet univers, vraiment. Et moi, je pense que ce qui est triste, c'est que même moi qui suis un enthousiaste des films de super-héros, ce genre de choses me fatigue vraiment du monde de super-héros. Et la peur que les gens ont justement qu'à un moment donné on va arriver à la fin de cette ère où les films de super-héros dominent le box-office, bah, je pense que ça va y contribuer en fait. Est-ce que l'erreur, ça n'a pas été de faire un reboot par rapport à l'univers de Nolan? Parce que Nolan avait déjà installé quelque chose de fort, et ils ont dit non, on va tout effacer, on va faire autre chose. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été l'erreur? Non, parce que Nolan, depuis le début, voulait faire un univers ancré dans un univers réaliste, et faut savoir qu'à l'époque de The Dark Knight, donc le deuxième opus, il y avait un projet de premier film Justice League qui devait être réalisé par George Miller, qui devait s'appeler, du coup ça devait s'appeler Justice League Immortals. Et dans ce film là le Batman qui devait être joué par comment il s'appelle déjà, Christian Bale, non, ça, non, bah justement il changeait Josh Brolin Non, c'est pas ça. Ah bon? Non, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, pour faire simple, devait y avoir deux Batman différents à la même période de l'année. Ah, génial. Et ça n'aurait eu ni queue ni tête. Et du coup, heureusement qu'ils ont annulé le projet. Bah. Ça, mais le projet était vraiment parti très très loin. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la première semaine de tournage et ils ont tout annulé. Tout. C'est pas... Mais ce qui est un peu bizarre, c'est quand même Nolan qui produit, parce que Nolan est quand même derrière tous les films Superman, Man of Steel. S'il continue de produire, c'est parce qu'il a eu un rôle assez important dans le succès. Mais c'est Warner qui insiste pour garder son nom parce que ça donne une image meilleure au film. Ça donne un gage de qualité qui n'est pas là. Donc voilà. Parce que ça a été l'erreur de DC de tout faire à la Dark Knight, genre réaliste, sombre, etc. Sauf que sombre ne fait pas bon. Voilà. Petite news qui va intéresser Cécile. Ça y est, Spielberg a atteint les 10 milliards de dollars de recettes dans le box-office mondial. Si on cumule tous ses films. Ah oui. Wow. Donc en fait, c'est le premier cinéaste en fait de tous les temps accumulé, donc 10 milliards de dollars. Il en a rendu des gens riches. De recettes au box-office. Donc c'est quand même assez. D'ailleurs, par rapport à ce qui relie ces deux dernières news, hier soir, il y a eu une information comme quoi Spielberg a réalisé pour DC une adaptation de Black Hawks, qui est une espèce de patrouille d'aviateur de chez DC. Voilà, je pense pas que ce sera relié à l'univers cinématographique de DC, mais c'est une adaptation. Voilà. Est-ce qu'il y a un film parce que on va parler de Spielberg deux minutes, est-ce qu'autour de la table il y a un film de Spielberg qui vous a marqué? Ouais. Lequel, Ismaël? Alors c'est loin d'être son meilleur, et c'est peut-être même anecdotique, mais c'est Le Terminal avec Tom Hanks. Et je sais pas pourquoi, mais ce film il était vraiment chill quand je l'ai regardé. Nicolas, un film de Spielberg qui t'a marqué? Que ce soit que ce soit positif ou négatif, hein, peut-être qu'un film que tu as pas. Je suis pas trop fan non plus de Spielberg. Après j'y vais parce que c'est Spielberg quand même, mais je suis normal par rapport à ses films. C'est donc il pas... y en a pas un que tu préfères? Ouais, non. Non, il y en a pas qui t'a marqué. Et Cécile, un Spielberg qui t'a... Bah le dernier qui m'a marqué, c'était Pentagon Papers. Ouais. Ah oui, ça. C'est comme un réalisateur incroyable. En une année, il sort Pentagon Papers, ensuite Ready Player One. Ouais, mais apparemment c'est parce qu'il y avait eu beaucoup d'effets spéciaux sur Ready Player One. Après avoir fini le tournage de Ready Player One, il a réalisé Pentagon Papers en même temps qu'il faisait la post-prod de... Incroyable. Et du coup, les deux sont quasiment sortis en même temps. Et toi, Jérémy? Moi, je pense quand même c'est la liste de Schindler, parce que quand tu le vois film, tu oublies déjà le nom de Spielberg, et t'es que dans ce film-là, il réussit aussi à montrer une partie de l'histoire qu'on avait par rapport à l'époque, hein, parce que je crois que le film c'est dans les années 90, si je me trompe pas, avant 2000. Ouais. Et il a remis en fait cette histoire aussi sur le devant de la scène entre guillemets, pour qu'on s'en rappelle en fait. Donc c'est un film très important pour lui déjà, et aussi on disait aussi la semaine dernière qu'en fait c'était aussi son film de fin d'année. Donc parce qu'il avait fini son 20 ans après, donc il avait commencé ses études et 20 ans après il avait terminé son cycle universitaire avec ce film comme projet fin d'année entre guillemets. Donc non c'est très intéressant, et je pense que c'est vraiment un film important, que ça soit d'un point de vue cinématographique ou même historique. Donc vraiment très très très très marquant ce film. Petite news suivante. Ah bah non, je crois que c'est tout. Oui, à part Mad Max, la suite c'est un peu compliqué parce que il y a des soucis, si je me trompe pas, de droit. Non, je crois que George Miller est en procès avec Warner Bros. Je connais plus trop les tenants et aboutissants, mais ça sent pas très bon pour la suite. Ouais, donc on verra bien, on en reparlera dans les semaines suivantes. Aussi je voulais parler de la mort d'un grand cinéaste récemment, de Milos Forman, réalisateur d'Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Larry Flint aussi, de grands films. Man on the Moon. Ouais, Man on the Moon avec Jim Carrey, un très grand film aussi. Que j'ai vu récemment. Et donc il nous a quittés. C'est un grand cinéaste. Franchement, je conseille de. Ces 20 dernières années, il avait un peu disparu d'ailleurs, je crois. Il avait pas fait grand-chose. Je crois que non, tu as raison. Ouais, il avait disparu, mais. Un peu à la retraite, entre guillemets. Ouais, sans doute. Mais un grand cinéaste qui a marqué. L'univers du cinéma, avec Amadeus en premier, j'ai envie de dire, mais Man on the Moon aussi, parce que c'est un des plus grands rôles de Jim Carrey. D'ailleurs, justement, récemment, il y a eu le documentaire sur Netflix avec Jim Carrey qui évoque justement le tournage making of de ce film, où justement il a été dans ce qu'on appelle le méthode acting, où il s'est oublié dans son personnage. Ah oui, et tu l'as vu ce documentaire? Ouais, j'ai vu et je vous le conseille. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être deux minutes? Bah oui, pour faire simple, c'est Jim Carrey aujourd'hui qui... Je vais me répéter un petit peu ça, parce que j'en ai pas juste non, mais je veux dire, que, c'est-à-dire quand tu dis le, il est dans son personnage... C'est-à-dire qu'en en fait, il... Alors, je me souviens plus tout à fait, mais le personnage qu'il incarne, c'est-à-dire que c'est une biographie sur un comédien, un humoriste américain des années 70-80, si je me souviens bien. Donc j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais et en gros, pour ce rôle-là, Jim Carrey s'est vraiment plongé à fond dans le personnage, au point où il était le personnage... devant la caméra et derrière la caméra sur le tournage. Et faut savoir qu'aussi que ce comédien qui l'incarnait avait la particularité d'avoir des personnages lui-même, donc ça devenait un espèce de allait un peu à l'Inception en fait, où vraiment il se perdait totalement dans toutes ses personnalités, et c'est devenu un enfer sur le tournage. Et une fois le tournage terminé, il a été vidé de toute son âme en fait. Il a fait une très très grosse période de dépression, et à un moment il évoque qu'il avait un rendez-vous avec Michel Gondry, avec qui il allait faire 2 années plus tard Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que je vous conseille, c'est l'un de mes films préférés. Et lors de ce rendez-vous, Michel Gondry lui dit tu vois ta tête que tu fais là, la tête de dépressif, s'il te plaît, ne t'arrange pas. C'est parfait pour mon film. Ce qui fait que du coup, pendant 2 années, encore après, il a dû rester dans cet état-là, malheureusement. Mais bon, voilà. Ah, très intéressant. Donc sur Netflix, oui. Disponible. Petite question aussi à vous trois, pour changer de sujet. Est-ce qu'un film d'animation doit le voir en version originale, c'est-à-dire par rapport à la langue du pays? Donc si c'est un film japonais, le voir en japonais, etc. Ou alors, on le voit en français? Qu'est-ce que tu en penses, Cécile? Ça, moi, c'est un débat qui me perturbe souvent. Qui t'inquiète? Ouais. Ça lui fait des crises d'urticaire, vous devriez voir ça. Mais je vous explique pourquoi je vous dis ça. Je suis allé voir Lui au chien. Ouais. Et je ne savais pas si je devais le voir en français ou en anglais. C'est vrai, parce que dans les deux cas, il est très bon diable. En anglais en plus. Aussi, ouais. Oui, en plus. Donc celui-là, vaut peut-être mieux aller le voir en VO. Mais en même temps, non, parce qu'ils ont vraiment une très bonne adaptation. C'est vrai que les Wes Anderson. Les films de Wes Anderson, ils ont de très bonnes distributions vocales. Incroyable. La voix de Vincent Ladon. Je pense que si tu sais que les acteurs t'aiment bien leur voix et qu'ils sont bons. Oui, ça joue aussi. Autant y aller en français, mais. Mais par exemple, un film du studio Ghibli, est-ce qu'on le voit en japonais ou en français, ou alors en japonais, je dirais. En japonais plutôt. Parce qu'on peut avoir des subtilités. Les intonations, peut avoir des subtilités différentes au niveau du texte qui peuvent pas être vraiment compréhensibles. Parce que généralement, quand on fait un doublage, c'est aussi pour avoir plus de facilité pour justement un public un peu jeune, par exemple. Voilà, mais moi personnellement, je pense qu'un studio Ghibli, ça se découvre aussi en VO. Et puis souvent aussi Disney, on le voit en français parce que quand on a été gamin, quand on était petit, on voyait les films Disney en français. Donc les Toy Story, c'est VF. C'est 100%. Surtout les chansons aussi. Parce que c'est ça aussi la force de l'adaptation, c'est les chansons françaises qui nous ont plus marqué que les chansons en. Moi je vous dis Let It Go, ça vous dit un truc? Non, Libéré, délivré. Voilà, exactement. Voilà. Merci Ismail. Ça me permet d'enchaîner avec L'île aux chiens. Je voudrais juste en parler 2-3 minutes. Vas-y, je t'en prie. De Wes Anderson, un film en stop motion avec une histoire assez simple. Disons qu'on est dans. J'ai un trou de mémoire. C'est au Japon, si je me trompe. C'est au Japon. C'est au Japon. Dans une ville japonaise, une ville victime. Mais c'est pour ça que ça, j'ai eu un doute. Donc il y a une épidémie par rapport aux chiens spécifiquement, et donc l'État décide d'envoyer tous les chiens contaminés sur une île. Et il y a un jeune garçon qui est en plus le fils adoptif du chef d'État en fait, qui part donc sur cette île avec un petit avion pour aller rechercher son ami, son chien. Et ce qui est incroyable, c'est que donc les chiens parlent en français. Ouais. Et les humains donc parlent en japonais, mais ce n'est pas toujours sous-titré. Et en fait, c'est très subtil. Et Wes Anderson, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est une liberté de ton, une liberté dans tout. Dans la stop motion déjà, dans la musique, il y a une BO mais incroyable. Des moments, il te met un suspense là où il n'y en a pas, mais t'es quand même ça te permet de t'intégrer dans cette histoire qui, au départ, si tu le lis entre guillemets, si tu l'expliques, tu te dis bon, ça a l'air d'être un petit dessin animé sympathique, mais non, c'est vraiment un film profond avec des sentiments profonds. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les voix françaises: Vincent Ladon, Louis Garrel, Mathieu Amalric, Romain Duris. Donc il y a un casting incroyable au niveau des voix, et le film est vraiment réussi. Et moi, je suis pas un expert de la stop motion, moi je connais que Wallace et Gromit et puis quelques films comme ci comme ça, mais là franchement c'est un travail très réussi. Et je trouve, dans le regard et dans le travail des chiens, il y a une une émotion. Et ça nous renvoie à un débat aussi de société par rapport aux émotions des animaux et à la conscience, etc. Et je trouvais ça très subtil, parce que Voilà, c'est ça derrière aussi, c'est cette idée aussi des animaux, de la conscience. Est-ce que vraiment ils ressentent comme nous, ou au moins est-ce qu'ils ressentent des émotions, est-ce qu'ils ont une certaine intelligence, est-ce qu'ils ont une certaine est-ce qu'ils ont l'émotion, est-ce qu'ils connaissent la douleur, est-ce qu'ils connaissent, etc. Donc il y a un grand débat, en plus c'était très récent par rapport à tout ce qui était le combat des fermiers contre les végétariens, donc il y a eu ça il y a 2-3 ans, et ça, voilà, il remet ça sur la table, et c'est très intéressant parce que c'est pas le sujet, mais en même temps tu y penses. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec justement ce film, c'est le deuxième film d'animation de Wes Anderson. Le précédent c'était Fantastic Mr. Fox. Ouais. Et c'est d'ailleurs là au niveau de, c'est à peu près la même direction artistique, mais c'est pas tout à fait, puisque Fantastic Mr. Fox, on avait des animaux anthropomorphes, c'est comme ça qu'on dit. Anthropomorphiques. Ouais, qui avaient un décor assez humain en fait. Voilà. Ouais. Alors que là ils sont plus, un peu comme Zootopie par exemple. Voilà, notamment. Et c'est une réflexion que j'avais pu lire et dont je suis plutôt d'accord en soi, c'est que peut-être que le film d'animation, c'est le mode idéal pour le cinéma de Wes Anderson, qui peut être totalement en maîtrise de tout l'environnement, des personnages, des mouvances, etc. Il est totalement en contrôle de quoi qui se passe. Donc c'est ce qui est incroyable dans le film, c'est que tu sens, comme tu disais, il y a un contrôle et que tout est travaillé. Ouais, il n'y a pas quelque chose qui est mis de côté. Au millimètre. Ou un plan comme ça qu'on fait vite fait parce qu'on en a besoin. Non, vraiment, c'est tout est travaillé. Et même, je trouvais ça très subtil aussi, c'est par rapport aux traductions donc de la langue japonaise. Il y a des interprètes. Mais d'où dans un film tu vas mettre des interprètes? Bah, c'est un peu absurde, c'est un peu fou. Et en même temps, c'est très beau. C'est ça aussi, ça apporte une beauté, que ce soit dans les couleurs. Donc, je disais aussi dans la musique. Mais tout est bien travaillé, tout est bien enchaîné. Et après, j'ai juste un petit bémol par rapport au scénario et par rapport à la fin, vers la dernière demi-heure, où on perd un peu de la magie et de la poésie du début du film. Mais ça, c'est par rapport à ce qui se passe dans le scénario. Mais à part ça, moi, je dis chapeau. Et tu sens, et c'est ça qui est assez incroyable, parce que quand tu aimes le cinéma, quand tu vois ce film-là, tu sens qu'il y a un travail énorme, gigantesque, titanesque, et tu as un respect. Moi, j'avais à la fin juste un respect par rapport à Wes Anderson et toute son équipe, parce que faire un film comme ça, c'est juste incroyable. Voilà. Et surtout à notre époque, en 2018, je trouve qu'on évolue, et on évolue vraiment dans quelque chose de positif et de, voilà, d'incroyable et de beau surtout. Au final, c'est beau. Voilà. C'est un très beau film. Je vous le conseille. C'est marrant parce que du coup, on disait tout à l'heure que les effets spéciaux tendaient aussi à de plus en plus de réalisme et que certains films en 3D tendaient aussi à une image photoréaliste. Et là, on se rend compte que quand il y a un parti pris graphique sur de l'animation très fort qui ne ressemble absolument pas au réel, ça peut aussi porter énormément d'émotions. Ouais, ce qui était très intéressant aussi, c'est que dans la salle où j'étais, il y avait trois gamins et il y avait au moins 100 adultes. Ah. Et pour te dire que vraiment, ce film-là, moi aussi, je pense que c'est le nom Wes Anderson qui attire les adultes. Mais moi, je conseille vraiment à tout le monde, les enfants, les parents, vous y allez tout seul, en famille, tout ce que vous voulez, parce que c'est quasiment un... Voilà, il y a une morale, etc., mais c'est léger. Il y a une certaine légèreté qui permet d'aborder des sujets très importants aussi par rapport à la condition des animaux. Donc là, vraiment très intéressant. Ça s'inscrit bien avec le reste de la filmo de Wes Anderson. Non, vraiment, c'est très réussi. Et moi, je dis bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Foncez-y. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a vu un film au cinéma récemment? Je ne crois pas. Personne n'a travaillé ici. Ça montre le professionnalisme de cette émission. On fait des économies pour la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dit qu'on va se faire une pause et puis on se fait un blind test? Ce sera Ismail contre Nicolas. Voilà. Et l'arbitre, ce sera Cécile. Donc, je t'explique en fait ton rôle. C'est que si tu as la réponse et qu'ils n'ont pas la réponse, tu dis, tu gagnes le point et tu donnes ton point à qui tu veux. Voilà. À ton préféré, entre guillemets. D'accord. Bon, en vrai, on fait ça pour réduire les scores pour qu'il y ait un suspense à la fin. Mais 40 musiques de films et c'est très large. Il y a des faciles et des très difficiles. D'accord. Mais je vous promets, comme on n'est pas nombreux, je vais vous aider, bien sûr, quand vous. Ok. Ce ne sera pas évident. À tout de suite. À tout à l'heure. Tout de suite. Ciao.